les baladeuses. Whenever we see a new sight or feel a new sensation, est-ce que vous aimez voyager? Oui, mais pas pour les mêmes raisons que les autres. Dans la forêt de sons où nous évoluons aveuglément chaque jour, on trouve parfois d'étranges créatures à la beauté diaphane, à la voix ensorceleuse, aux idées impossibles et pourtant, elles l'ont fait. Elles l'ont imaginé pour vos douces oreilles, chers auditorices, cette émission des baladeuses le quatrième mercredi de chaque mois, de 10h à 11h30 sur Radio Dio. Bien le bonjour à vous Stéphanois, Stéphanoises et sympathisantes d'ici ou d'ailleurs, de la Terre à la Lune aujourd'hui, rien n'est impossible. Bonjour Juliette. Bonjour Sophia. Et bonjour. Et bonjour Emily Weiss, notre invitée de cette émission qui a pour thème, vous l'avez compris, l'impossible. Et bonjour, merci pour l'invitation. Alors Emily, est-ce que en quelques mots, qui es-tu, d'où viens-tu et qu'est-ce qui te semble impossible? Alors en quelques mots, donc, je suis Emily Weiss, j'habite à Saint-Étienne depuis une bonne dizaine d'années et je suis de profession comédienne et plasticienne. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce qui te semble impossible? Alors aujourd'hui par exemple, la conquête spatiale, je la regarderai mais j'irai pas. Ok. Impossible pour impossible moi. Impossible pour non. Toi. Pas de conquête spatiale ce matin. Pas de conquête spatiale. Alors je me suis dit que ce thème avait bien besoin d'une liste non exhaustive à compléter ultérieurement. Et j'avoue que dans cette entreprise, j'ai utilisé l'imagination de mon enfant pour m'aider un peu à circonscrire le problème de l'impossible. Et les enfants ont un vrai talent pour ça. Et donc ça a donné quelque chose comme changer de dimension, mais en fait, pourquoi pas. Aller sur Vénus, donc pas avec Émilie, mais en fait, peut-être un jour. Changer de corps, mais en fait, ça c'est possible. Et notre amie Émilie le fait sans arrêt dans son métier de comédienne d'ailleurs. Voyager dans le temps, mais en fait, le voyage et les lectures nous font d'une certaine manière voyager. Se transformer en objet, mais si on met mes cendres dans une urne, ne suis-je pas un peu une urne? Et si on tricote une écharpe avec mes cheveux, ne suis-je pas un peu une écharpe? Écrire avec son oreille. Alors là, je ne me suis pas assez documentée, mais à creuser. Il y avait aussi rencontrer une baleine dans le métro, faire chanter son nombril, vivre dans une goutte d'eau, se transformer en barbe à papa, voler de ses propres bras et encore, plus sérieusement, l'égalité homme-femme, la fin du totalitarisme et du fascisme, le respect des agriculteurices, la fin du système capitaliste, la paix dans le monde, etc. etc. Et aussi faire rentrer l'expression « faire sa baladeuse » auprès des vieux croutons de l'Académie française qui entre-temps se seraient noyés dans une soupe à l'oignon et du coup n'auraient plus besoin d'une Académie française et ça serait devenu l'assemblée des créatrices de mots. Et... Bon, moi les trucs impossibles j'adore, ça me rend très créative et j'ai la sensation de basculer dans un autre monde. Au final, plus j'agrémente ma liste, plus tout ça me semble possible, même si a priori, j'ai plus de chances de vivre dans une goutte d'eau que de voir la fin du fascisme. Longtemps, j'ai cru que les choses impossibles étaient impossibles, alors qu'en fait, elles sont possibles, tandis que les possibles sont parfois impossibles. Et toute cette réflexion va finir par nous faire changer de dimension. Et toi, Juliette, qu'est-ce qui te semble impossible ce matin dans le studio de Radio Dio? Longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à mettre mes chaussettes. Je comprends. Sophia? Ah ben, longtemps... Pour moi, ce qui me semble vraiment impossible aujourd'hui, c'est de me lever de bonne heure. Et ben voilà, comme quoi, aujourd'hui... Longtemps, je ne me suis pas levé de bonne heure. Aujourd'hui, on s'est levé de bonne heure pour venir dans les baladeuses sur Radio Dio. Et votre mission, si vous l'acceptez, des discussions impossibles, une fugue de mort, une montagne qui parle, une pause panoramique, une impossible danse radio guidée et bien sûr notre désormais cultissime feuilleton radiophonique. Schwarze Mühle der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken le noir de l'aube. Nous te buvons le soir, te buvons à midi et le matin. Nous le buvons la nuit, nous buvons et buvons. Wir schaffen einen Gras in der Lüften, da lief man nicht hin. Ein Mann wird im Haus, der spielt mit den Schlagen, der strahlt. Der strahlt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar. Margarete. Nous creusons dans le ciel une tombe où l'on n'est pas serré. Un homme habite la maison, il joue avec le serpent, il écrit. Quand il va faire noir en Allemagne, Margaret, tes cheveux d'or, écrit ces mots, s'avance sur le seuil et les étoiles tressaillent. Il siffle ses grands chiens, il siffle, il fait sortir ses juifs et creuser dans la terre une tombe. Il nous commande. Allons jouer pour qu'on danse. Schwarze Meer der Früh, wir trinken die Nacht, wir trinken die Morgens. Und mittags, wir trinken die Abends, wir trinken und trinken. Un homme habite la maison, il joue avec le serpent, il écrit. Quand il va faire noir en Allemagne, Margaret, tes cheveux d'or, tes cheveux cendres, sulamite. Nous creusons dans le ciel une tombe où l'on n'est pas serré. Il crie. Enfoncez plus vos bêches dans la terre, vous autres. Et vous, chantez, jouez. Il attrape le fer à sa ceinture. Il le brandit. Seine Augen sind blau. Ses yeux sont bleus. Enfoncez plus les bêches, vous autres. Et vous, jouez encore pour qu'on danse. Le noir de l'aube, nous te buvons la nuit, te buvons à midi et le matin. Nous te buvons le soir, nous buvons et buvons. Un homme habite la maison, Margaret. Tes cheveux d'or. Tes cheveux cendres sous la nuit. Il joue avec les serpents, il crie. Jouez plus douce la mort. La mort est un maître d'Allemagne. Il crie. Plus sombre les archets et votre fumée montera vers le ciel. Vous aurez une tombe alors dans les nuages. Où l'on n'est pas serré. Les noirs de l'aube, nous te buvons la nuit, te buvons à midi. La mort est un maître d'Allemagne. Nous te buvons le soir et le matin. Nous buvons et buvons. La mort est un maître d'Allemagne. Son œil est bleu, il t'atteint d'une balle de plomb, il ne te manque pas. Un homme habite la maison, Margaret, tes cheveux d'or. Il lance ses grands chiens sur nous. Il nous offre une tombe dans le ciel, il joue avec les serpents. Il rêve, la mort est un maître d'Allemagne. Dein goldenes Haar, Margaret. Dein Hastings Haar sous la mitte. Tes cheveux d'or, tes cheveux cendres sous la mitte. Margaret. La mort est un maître d'Allemagne. Mais, Émilie, mais qu'est-ce qu'on a entendu ? Aïe. Raconte. Eh ouais, bon, alors, cette histoire, la fugue de mort. Hein. Bon, déjà, rien que ces deux mots-là, fugue, mort. Ouais, ça sonne bien en français, ça sonne bien en allemand. Et c'est comment en allemand déjà ? Totefugge. Ouais, ouais. Bon, alors, l'histoire de cette fugue de mort, c'est un texte qui est écrit par un auteur qui s'appelle Paul Celan. Et dans mon parcours de comédienne, on est souvent amené à croiser aussi des écritures poétiques. Et Paul Celan, ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai croisé. Et des textes, il en a quand même beaucoup. Et celui-ci est récurrent dans mon plaisir de lectrice. Et je ne l'entends pas. Je ne l'entends jamais. Alors, c'est une occasion, en tant que comédien, de pouvoir proposer des textes. Et là, ce que nous avons entendu, il y a ce texte de Paul Celan, il y a ma voix. Et il y a aussi toute la musique proposée par Fred Fender, guitare. On s'est rencontrés avec Fred il y a déjà pas mal d'années, on se croisait. Et puis il y a quelques mois de ça, récemment, on s'est, sur la notion de possible et d'impossible, on s'est dit qu'on avait envie de travailler tous les deux. Est-ce qu'on avait une structure pour ça ? La réponse est non. Est-ce qu'on avait un budget pour ça ? La réponse est non. Est-ce qu'on avait un lieu pour ça ? Non. Est-ce qu'on avait déjà des auditeurs potentiels pour ça ? Ben, aujourd'hui, oui. Mais... Alors, comme on est tout à fait très neuf dans nos pratiques, déjà, la première chose, c'était se rencontrer tous les deux. Et que, dans son univers musical, peut-être la langue anglaise était plus fréquente. Ou il a déjà fait des associations aussi avec des comédiens, des comédiennes. Moi, en l'occurrence, travailler avec des sons aussi électriques, ça c'est une première. Et poser des textes avec des exigences telles que Paul Celan ou d'autres aussi que nous avons abordés, ça n'allait pas de soi. Et parfois avec des univers même psychédéliques et que à confronter ces sons et les paroles poétiques, ça demande aussi à prendre du temps pour ça. Le phrasé même du poète ou la langue du poète ne doit pas être complètement contrarié par la proposition musicale, et qu'à deux, à force de se voir, on chemine. Et puis assez naturellement, finalement, la voix se pose. Et là, il y a Paul Celan, mais on a abordé d'autres auteurs aussi, comme Garasim Luka, très en poésie sonore, qui peut se passer absolument de musique. Les deux d'ailleurs, la musique de Fred se passe de textes et les textes se passent de musique aussi. Mais les deux ensemble. Alors, le duo formé est divergence, avec cette idée que, je sais pas, si on prend un dictionnaire, divergence c'est cette histoire de lignes parallèles qui, au bout d'un moment, bifurquent, se séparent, s'éloignent l'une de l'autre. À l'intérieur du duo qu'on compose avec Fred, il y a cette envie aussi d'aller sur des territoires qui sont un peu méconnus, mais quand même avec des bons repères. Et comment à l'intérieur de cette navigation, et musicale et textuelle, on arrive de temps en temps à faire des éloignements, des rapprochements, des voyages qui sont à deux, bon, des voyages par l'oreille. La version que nous avons entendue là de Fugue de mort de Paul Celan, c'est... On a quelques points, quelques marqueurs, mais à chaque fois qu'on le travaille, c'est jamais tout à fait la même chose. Dans les propositions, dans la voix, dans l'énergie. Là, j'ai l'impression que cette version aujourd'hui était douce, là où elle a pu être parfois plus violente, plus... Parce que là, du coup, c'était un enregistrement de répétition, c'est ça ? On est absolument en répétition, oui. On est en répétition et avec ce duo tout frais, on a eu l'occasion par deux fois de faire des crash tests en public. Donc ça nous a validé ce que nous mettions en place et avec une envie d'aller plus loin encore et que les frontières de cela n'est pas possible, on n'arrête pas de les éloigner à chaque fois. Mais de possible en impossible, d'impossible en possible, finalement, ça devient concret. Ben, de fait, on a un objet là qui a pu être diffusé et oui, ça existe. Est-ce qu'on va pouvoir vous entendre en live un jour, bientôt ? Alors là, on n'a pas de date arrêtée, mais avec plaisir, je vous tiendrai informé, bien sûr. Mais en attendant de vous voir en live, je vais proposer une autre forme d'impossible. C'est l'amour impossible que nous chante Mélodie Gardot. This is an impossible love, the kind you only hear of in cinematic dreams. This is an impossible love with syndromatic schemes. It's never just as lovely as it seems. Yes, this is an impossible love. The flame in lust is an inexhaustible love. And flames combust if flames will be ending love. And why should two loves not agree? No, this is an impossible love. Though both of your arms would offer a tender grace, it's such an exhaustible love, fueling my heart with only illusion and grace. C'est ange d'échec, ange que tu crois, ange de fléchette, au mouvement de l'obscurité, vide de vérité. En ligne qu'on puisse pas voir, en descendant l'air, détruit les espoirs. Ange des garçons, laquelle décidément, non, je dis non. Tes mains sur mes colons, et tes yeux comme des enfants. Comme un orage d'été, nos ténèbres, silhouettes d'adieu sans Ne venez pas me chercher, aveugle que je suis, immense comme on m'a faite, sourde, tant ma naissance a été tonitruante. Vous n'en avez rien à faire de ma voix ni de mon point de vue. Laissez-moi tranquille. Mon sommeil est si profond qu'il se niche sous les mers. La mer m'avait recouverte il y a des millénaires, et c'est à peine si je m'en souviens. Aveugle, sourde et endormie que je suis. Dehors, dehors! Croissez, mousse, reproduisez-vous, bestiole. Le tap-tap de vos pattes me berce, le cric-cric de vos racines m'enveloppe. Rien ne durera très longtemps, pas la moindre chose. Ni la quiétude, ni la calamité, ni la mer, ni vos enfants si laids, ni la terre qui supporte vos pattes décharnées. Ah, si je m'en souvenais de ce coup, le réveil, terrible. Si je faisais l'effort d'évoquer le craquement tonitruant, la profondeur incandescente, rouge et incontrôlable, si je me remémorais la collision lente et terrible, la violence aveugle et dévastatrice, les secousses et les tremblements de terre, les colonnes de feu et de poussière, les brèches qui s'engouffraient jusqu'au tréfonds de roches liquides et ardentes. Si je pensais à la façon dont nous avons fait dégringoler vos petites pattes, arrachez vos racines misérablement accrochées à des grumeaux de terre, détruit votre maison qui n'a plus jamais été la même. Si je me rappelais à ma mémoire la façon dont vous êtes morts, dont sont morts tous ceux qui n'ont pas volé, qui n'ont pas couru, qui étaient trop gros, trop lourds, trop stupides, trop faibles. La façon dont vous mouriez tandis que nous nous élevions tout droit. Des tonnes et des tonnes de roches et de terre, de granit, de gneiss et de calcite. Nous nous élevions droit vers le ciel depuis les profondeurs, avec toute notre obstination, notre patience, notre lenteur, notre capacité de destruction. La puissance sombre nous soulevait, la force brute nous poussait vers le haut, la roche s'enroulait, la terre prenait le dessus, s'amoncelait, se repliait, éclatait. Maintenant, laissez-moi dormir en paix, créature déracinée, mauvaises herbes, tempête rachitique, arbre triste. D'autres sont venus, il en vient toujours d'autres, des comme vous, pour construire des nids, creuser des terriers, faire résonner leurs sabots, faire naître des pousses vertes sur des arbres fendus. Et mes murs, et mes pics, et mes crêtes ont été vos nouveaux gîtes, mes pauvres. Mais très cher, tellement misérable. Venez ici, approchez. Je vous laisserai un morceau de mon dos pour que vous y bâtissiez votre demeure. Mais ne me faites rien dire de plus. Silence. Assez. Ne me faites pas dire qu'alors, quand vous aurez planté en moi des racines bien profondes, quand le refuge vous aura paru accueillant, bon et sûr, quand vous aurez avalé mon eau fraîche, quand vous aurez fermé vos yeux, quand vous aurez donné des noms à vos enfants, qu'alors tonnera à nouveau le fracas d'une violence aveugle, bien plus vieille que moi, bien plus infinie que moi, bien moins miséricordieuse que moi, et qu'elle exercera de nouvelles forces. Continents se replieront sur leurs fondations, les parois de roches grinceront sous les impacts, le ciel se couvrira d'un seul coup, les fleuves de lave dévaleront et incendieront tout, la mer s'écartera et sera toute secouée tandis que les volcans exploseront et l'air se remplira de fumée et de cendres, les montagnes que nous avions été, les maisons, les terriers et les abris et les replats et les crêtes que nous avions été, tout cela cessera d'être et nos dépouilles, notre défaite, nos sommets, tout deviendra vallée, plaine, des monceaux de matière rocheuse qui s'enfoncent dans la mer, de nouvelles montagnes. Le mouvement aura commencé une fois de plus, le désastre, le commencement suivant, l'énième fin, et vous, vous mourrez, parce que rien ne dure très longtemps, et personne ne se souviendra du nom de vos enfants. Crafted pride by monsters. We have the story of the impossible. A tale best of something. Wanna make believe. Maybe impossible to achieve. And really On vient d'écouter le morceau de Peter von Poel, The Story of the Impossible. Et juste avant, Julie nous a lu un extrait du livre Je chante et la montagne danse d'Irène Sola, qui était accompagné en arrière-plan par la musique de Mélène Dalibert, Eden. Et donc c'était un extrait de ce fantastique roman que je conseille bien évidemment à tout le monde. Donc Irène Sola, c'est une écrivaine, poète et artiste catalane qui a été énormément traduite, qui a eu plusieurs prix notamment pour ce livre-là. Et la question de la traduction d'ailleurs, on va en reparler Émilie, puisque dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, tu déclames, parler, chante même à des moments en français mais aussi en allemand. Alors est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à cette langue ? Alors, à la langue allemande et la langue étrangère en général. Oui. Et voilà. Parce que je me balade quand même depuis pas mal de temps avec la langue française. Et sur les apprentissages de langues telles qu'on peut les avoir à l'école, j'en ai choisi plein. Enfin, j'en ai choisi rien plusieurs. Rien n'est impossible. En tout cas, entre le latin, l'espagnol, l'italien, l'anglais. Mais j'étais tout à fait pas très bonne nulle part, mais par contre je me sentais bien partout. Et avec l'allemand, eh bien ouais, il y a un amour de la sonorité, c'est une langue qui n'est pas très loin de nous, on l'entend quand même fréquemment. Et mon nom Weiss, par exemple, bon ben, avec les Stéphanois, ça fait penser au chocolat. Exactement. Et si on le traduit au mot à mot, c'était quand même le mot blanc en allemand. Et moi, je vis avec dans l'oreille depuis le milieu utérin, en fait. Mm. Donc, c'est une langue qui m'est étrangère, que je n'ai pas appris, que j'apprends là actuellement en autodidacte. et que toute personne qui a écouté Fugue de mort avec ma voix sur la langue allemande, oui, ils se rendent bien compte qu'il peut y avoir des petits soucis à des endroits. Ou pas. Mais c'est comme la langue poétique, en fait, c'est une appropriation. J'étais amenée à travailler plusieurs fois en Allemagne avec des Français et des Allemands, diriger des groupes et diriger des Allemands avec mon maigre allemand ou mon italien, mon espagnol, mon français, la langue des signes, la base de tout. Et aussi, c'est l'autorisation qu'on se donne à être ensemble et à faire les choses ensemble. Et puis, le moteur premier, c'est le désir aussi. Et du coup, cette langue allemande, c'était la volonté d'avoir une langue étrangère à la tienne. Comment tu as choisi, en fait ? Parce que tu aurais pu prendre une autre langue, finalement. Ce qui m'a autorisée à ça, c'est surtout la musicalité. Et comme avec Fred, de fait, on est sur un duo musical. Il y a cette langue qui s'est proposée, que j'ai fait entendre à Fred, qu'il a tout de suite validée. Et parce qu'il était enthousiaste, ça m'a autorisé, c'est ça. Quand on parle d'impossible, ça peut être des portes fermées à triple tour, mais de temps en temps, il y a des clés. Et ça en fait partie, l'enthousiasme de l'autre, le désir, l'impossible devient plus possible. Lointain. Tout à fait. Mais de la même manière que j'ai pu travailler en Roumanie sans parler roumain, j'ai travaillé aussi au Maroc, sans du tout parler autre que le français ou l'anglais. Oui, finalement, les langues, c'est des barrières qu'on se met. Sans doute, on peut s'en mettre. Et en fait, quand on s'y met réellement, les barrières, elles sont tout à fait poreuses. Mmh. Et qu'encore une fois, discuter avec l'autre, c'est surtout l'envie qui fait qu'on arrive à échanger. C'est vrai qu'on entend souvent, moi j'ai fait allemand à l'école, même si j'étais très mauvaise, mais on entend souvent que c'est une langue dure, tout ça, alors qu'en réalité, c'est une langue incroyable. On dit souvent la langue de Goethe, d'ailleurs, quand même. Ouais. Et chanter, c'est quand même, ces sons sont Elle vraiment... Elle s'y prête incroyablement, ouais, comme l'italien, je crois que c'est les deux langues qui sont les plus favorables à... C'est des langues opératiques aussi, mais on a un peu oublié tout ça, quoi. Oui, et puis on a aussi, je pense à Nina Hagen, elle a aussi une manière de nous faire entendre l'allemand tout à fait de manière ça incroyable. Ça crée une ambiance à la fois punk et douce. C'est un c'est bon punk, entre-deux. C'est doux, ça peut être suave aussi. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à dire l'allemand. Et parfois, quand je parle en allemand avec des Allemands, ça provoque le rire, c'est déjà ça. Non, mais je pensais vraiment complètement à Nina Hagen aussi, en vous entendant. L'association que vous créez avec vos deux pratiques musicales et vocales, c'est super intéressant. Alors quand même, petite parenthèse, mais ce soir, il y a un groupe au fil qui s'appelle Compromat. Et qui chante, tu connais, en allemand, et c'est incroyablement sensuel. Donc allez écouter Émilie et compagnie. Oui, et puis moi j'irais bien dans des endroits un peu plus chauds quand même que l'Allemagne, parce qu'il fait un peu frais, la forêt est noire, tout ça, pour moi c'est pas bien possible tout ça. Ah oui, mais quand il fait froid, mais c'est quand on y est, on y est bien. Ah, oui, non mais je dis puis pas. Puis on est plusieurs, on se tient chaud quand oui, même. Oui, mais là, tu vois, avec le temps qu'il fait, là, ça ne dit rien. Et du coup, est-ce qu'on n'irait pas plutôt faire un petit tour en Grèce, hein? Hey. Ah, peut-être, Émilie, tu veux nous parler de ce texte? Deux secondes, ouais. Ah, avec les baladeuses, ça voyage. Ah, c'est la Grèce, on vous emmène la mythologie. Partout, on vous amène du soleil dans le studio. Alors, je ne me suis pas risquée à parler grec. Peut-être. Un jour, peut-être. Eh bien, on va écouter ça. Là, il y a... Donc, on va écouter ça. Il y a un texte qui arrive. Attends. Et ce texte-là est écrit par un grec qui s'appelle Yannis Ritsos, mais il a écrit en français. S'il y avait eu le texte grec à côté, peut-être ça aurait été tentant de faire naviguer l'œil qui page l'autre. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait que la langue française. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre du coup? Là, on va entendre un extrait d'un texte fleuve qui s'appelle Ismen, de cet auteur qui s'appelle Yannis Ritsos. Yannis Ritsos est poète, Yannis Ritsos est dramaturge aussi. Et il s'est emparé de grandes figures mythologiques qui... par le biais d'autres dramaturges, ont eu voix au chapitre, on connaît leur histoire. Là, le personnage d'Ismène, on est vraiment dans la lignée maudite des Labdacides. Ismène est la sœur d'Antigone, elle est la sœur d'Éthéocle, de Polynice, avec un conflit fratricide. Et fille d'Œdipe et de Jocaste. Elle a une histoire familiale qui est bien lourde. Mmh. Et on a beaucoup entendu Antigone, mais Ismène un peu moins. Elle est là, elle est présente, les poètes lui ont donné voix. Mais là, Ioannis Ritsos lui donne un monologue. Et dans ce monologue, il se permet de briser les codes temporels, comme il l'a fait avec d'autres personnages. Je pense notamment à Chrysothémis, qu'il fait parler. Chrysothémis, sœur d'Électre. Là, on quitte les laves d'acide pour aller dans l'Orestie. Et il fait parler une vieille dame. Et elle raconte son histoire, son point de vue. Elle se réapproprie l'histoire, là où les poètes avaient donné des indices. Bon, ben, elle parle, elle délivre quelque chose. Et là, le texte qui arrive, c'est la voix d'Ismène. Venez de temps en temps, cela me ferait plaisir. Par ici, le temps est lent. Plus rien n'arrive nulle part, sinon cette banale corruption des bois des meubles, des poutres du toit, des étages, des escaliers, des plâtres, des serrures, des rideaux, des charnières. Lente altération. Une rouille sournoise. Surtout sur les mains et sur les visages. Au mur, les grandes horloges se sont arrêtées. Personne ne les remonte. Et quand parfois je me mets devant, ce n'est pas pour voir l'heure, mais mon visage même, reflété sur le verre, étrangement blanc, un visage de plâtre, impassible, hors du temps, tandis que, dans le fond obscur, les aiguilles arrêtées juste derrière mon image sont une lancette immobile, qui n'a plus de blessure à ouvrir, qui n'a plus rien à m'enlever, peur ou espoir, attente ou anxiété. Ce ralentissement multiplie la distance entre moi-même et moi, entre un geste et l'autre, entre un souvenir et l'autre. C'est un moi entier qu'il faudrait pour passer d'une chambre à l'autre, une sorte de brouillard vague se tient entre toutes choses. Souvent, les matins d'hiver, je suis là, derrière les vitres, et je regarde la distance comme une amie. Dans le fond, il arrive que quelqu'un passe, vaporeux, une tache, sans visage, sans chair. Et l'on n'essaie même pas de la distinguer vraiment, et on ne se soucie pas non plus de savoir où elle va, ici ou là. Cela revient au même. Cette belle incertitude est la seule réalité. Elle fait de moi une étrangère, et j'aime cette légèreté. Si j'enlevais ces bracelets, si je dénouais mes cheveux la nuit, si je dénouais les lacets de mes sandales, ou si j'enlevais seulement ces lourds colliers qui me serrent la gorge comme les anneaux d'une chaîne, je crois que je m'en irais vers le haut. Je me volatiliserais. Je ne le veux pas. C'est sans doute pour cela que je les porte. À leur façon, ils me retiennent. Même si souvent, ils me gênent, je les porte. Et dans mon sommeil, je me sens comme un chien que j'aurais moi-même attaché à une porte tombée. Un fossé de silence, comme vous avez dit, entoure cette maison, respectable ou non, quelle importance. Des hommes passent sans rien dire. Parfois, c'est un verre de cristal qui tombe, un clou, la main livide d'un vieux portrait de général ou bien un bouquet de violettes, des mains diaphanes et délicates de quelques dames peintes. Personne ne se baisse pour les ramasser, pas plus qu'on ne les voit du reste. Et dans cette douce pérennité de l'ombre, où toute chose vient se fondre et se conformer à la loi du tacite et de l'inutile, du silence, ou même des rangs. La seule chose qu'on entend est le trottinement des rats. Pas du tout leur grignotement, ces choses-là n'ont plus d'épaisseur. Simplement, on les sent trottiner le long des murs et sur notre corps, ou plutôt dans notre corps. Et c'est une belle occupation que de suivre en silence cet effondrement dans un vide si vaste. Il est sans fond ni fin, qu'il engendre une sensation étrange d'immensité. Un peu comme ces grandes idées que nous nommons si fièrement liberté, immortalité, éternité et quelques autres. Non pas tant effondrement, ces choses n'ayant pas où tomber ni d'où tomber, mais quelque chose de suspendu et qui n'est suspendu à rien. Quelque chose avec des ailes, si vous préférez, comme les oiseaux, par exemple, qui montent et qui descendent, immobiles entre leurs ailes. Je dirais un grand vol immobile dans la futilité absolue, un équilibre extrême, une extrême légèreté de toute la matière et par là même de la mort. C'est pourquoi vous me voyez si heureuse, si cela s'appelle la joie. L'absence de toute arrière-pensée, de toute ambition, une délicieuse torpeur hivernale avec la pleine conscience du froid. Et bien sûr, je reste avec ceux qui souffrent du froid, qui s'interpellent au sujet du froid, qui s'emmitoufle dans tout un tas de flanelles, de par-dessus, de couvertures pour s'en préserver. Étrange souci que celui de se préserver toujours, se préserver du froid, du chaud, de la faim, de la soif, de la maladie, de l'erreur, de la mort. Et il ne nous vient même pas à l'idée que le froid monte de nous-mêmes, dit qu'on ne peut en fin de compte y échapper. Oh, bien sûr, un peu de feu dans la cheminée. J'ai toujours aimé voir danser les flammes, leurs mouvements sont si faciles. Anges incorporels, de toutes les couleurs, leurs ombres sur le plafond, sur les murs, l'ombre du grand métier à tisser, l'ombre d'une guitare accrochée aux piliers et par-dessus tout, les corps nus! Les ombres agrandies des membres sur leur propre corps, comme un autre corps, plus sombre et plus rouge. L'ombre de la poitrine au-dessus de la poitrine, avec le bout du sein souligné. L'ombre de la bouche dans la bouche, cette terrible certitude physique, cette délicieuse aversion, lorsque les membres se redressent pour en définitive fléchir dans un profond recueillement. Céder, je pense, est la mesure de la grandeur. Ceux que la peur retient toujours n'ont pas la force de s'incliner et ils restent crispés sur les cimes glacées de leur propre impuissance. D'où vient leur orgueil alors ? Où est la vertu? Le jour est d'une blancheur éclatante et pénible, au point que je souhaite du fond de moi-même l'aveuglement de tous, surtout. Bon, on peut pas s'arrêter là, regardez, c'est joli. Pause, pause. On peut pas faire une pause là. Attendez, oh, regardez, ça a l'air joli. On peut s'arrêter. Quelqu'un a de l'eau là. Oh, on peut pas s'arrêter. Ça a l'air joli. Ah, tu fais mon lacet. C'est quand qu'on arrive? On peut faire des photos là. Attendez, je vais faire. Panoramique. Panoramique. Pause. Panoramique. Bon, allez, on y va là. Ça va, Émilie? L'émission se passe bien pour toi? Ah oui, oui, impeccable, tout va bien. Tu veux boire quelque chose, un thé, un café? Oh, écoute, non, ça va. Un jus de fruits, Sophia? Tu peux aller voir, s'il te plaît? De quoi? Bah, si tu peux ramener des jus de fruits, du thé, du café, quelque chose, hein, tu seras gentille. D'accord. Sophia, attends, il est où le texte de la pause radiophonique, s'il te plaît? Justement, je comptais l'écrire, finir de l'écrire pendant la pause, justement. Hein. J'arrive, je m'occupe du thé. Ça vous dérange pas si j'ouvre la fenêtre, là, parce que... Pfiou. En tant que danseuse, j'ai l'habitude des odeurs corporelles, mais là, ça va, Émilie? Ouais. Ouais, moi, ça va. C'est mon parfum qui... Non, c'est pas toi. Hein. Je pense que Julie veut parler de Sophia. Et depuis que je suis pas revenue, j'en avais un peu perdu l'habitude, mais on dirait que ça a empiré depuis la dernière fois, non? Je comprends pas. En fait, au début des baladeuses, Sophia prenait sa douche dans le studio. Et ça, c'est pas encore vraiment le problème. Il y avait aussi la radio. La radio? Comment ça, la radio? Oui, Sophia écoute la radio lorsqu'elle prend sa douche. Elle peut pas s'en empêcher. Si c'était que ça. Non seulement elle peut pas s'en empêcher d'écouter la radio... Mais si encore elle s'énervait pas comme elle le fait en hurlant à plein poumon, en faisant trembler les ondes de Radio Audio et en explosant nos cristallines oreilles. Ah mais elle s'énerve en écoutant de la musique? Ah non, elle n'écoute pas de la musique à la radio. Elle écoute les informations. Quelle idée de ne pas écouter de musique quand on écoute la radio. Surtout ici où il y a une super programmation musicale, me semble-t-il. On a bien essayé de la convaincre de modifier la programmation. Et qu'est-ce que ça a donné? Bah, elle se lave plus depuis. D'où l'odeur. Aïe. Ah ouais, tout de même. Comment t'as fait, Juliette, pendant les autres émissions? Attention, chaud devant. Qui veut du thé? Du café? Émilie, thé ou café? J'avais bien un café, Sophia, merci. Voilà, du thé pour toi, Juliette. Et toi, Julie, thé ou café? Ah, ben j'aurais préféré un jus d'orange, t'avais dit que t'en ramenais. Ah, zut, c'est vrai. Je reviens. Et tu ramènes les textes? Oui, j'y travaille. Il y a du sucre dans le café? Voilà, ça c'est Sophia. Sophia, t'as encore mis du sucre dans le café? Et pourquoi il fallait pas? On te l'a déjà dit 100 fois. Tu veux que je change ton café, Émilie? Ah non, t'en fais pas. Par contre, je prendrais bien du jus d'orange, si ça ne te dérange pas. Bah, ça roule. Oui, Juliette, tu disais que tu avais un truc là pour l'odeur. Ah oui, je me roule des petites feuilles de menthe fraîche, là, comme ceci, là. Ah oui. Et je me les enfile dans les narines, comme cela. Ah, malin. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais ça permet de tenir le coup. Vous en voulez? J'en ai fait des provisions dans mon sac au cas où. Et voilà les textes. T'aurais pas oublié les jus d'orange par hasard? Les jus d'orange? Flûte. J'y non, retourne. Non, c'est pas la peine. On va lire la rubrique, sinon la pause va durer tout le long de l'émission. Bon, d'accord. On commence. Attends. Je vois pas les répliques des autres, là. Oui, moi non plus. Non, mais ça, c'est parce que j'avais pas le temps de tout recopier en 3 exemplaires. Alors. J'ai écrit comme ça, pour gagner du temps. Eh ben, ça va être pratique. Non, mais vous allez voir, hein, ça va le faire. Suffit juste de bien suivre les tours de parole que j'ai notés, là, ici. Et le tour est joué, hein. Faites-vous confiance, ça va marcher. Allez, hein. Je commence. Hein. Alors, je vais faire la musique du générique avec la bouche, hein, parce que comme je n'ai pas payé les droits pour pouvoir diffuser la vraie musique... Bon, allez, j'y vais. Vous êtes prête? Oui. Alice, c'est parti. Salut les filles. Bonjour Charlie. Ah, j'espère que vous allez bien parce que moi, c'est pas la forme. Oh on... là là là là là, vite les filles, on se dépêche. On a volé les œuvres de la célèbre artiste Emily Weiss lors de son exposition à la galerie Au Secours, 24 rue Bourgneuf de Saint-Étienne. Votre mission, si vous l'acceptez, est de retrouver ces œuvres au plus vite. Vous avez 58 minutes pour vite aller sur les lieux pour retrouver ces inestimables gravures, les remettre à leur place avant que le ministre de la Culture ne vienne faire l'inauguration de l'exposition. Évidemment, si vous faites prendre, l'agence n'ira tout. Je ne vous ai jamais vu, je ne vous connais pas et je ne vous ai jamais rien demandé. Voilà. Allez, faites attention les filles, parce que ce message, il va s'autodétruire dans 30 secondes. Kate, 10, dépêchons-nous. 9, 8, Karen, descends 7, aux archives, 6, trouve tout ce que tu peux trouver sur Emily Weiss et son entourage depuis la première dent de lait jusqu'à sa dernière goutte de champagne. Mais c'est qui, Karen? Bah, c'est toi. D'accord, tout sur Emily, c'est comme si c'était fait. Mais je suis perdue, complètement perdue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une catastrophe intermondiale, là. Il faut absolument retrouver ses œuvres. Et moi, ben, je vais aller chercher des jus d'orange. Ils ne vont pas venir tout seuls. Hein. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Non, non, c'est à Kate de parler. Mais qui est Kate? C'est toi! Ah bon? Mais oui! Mais moi, je vais me déguiser en artiste peintre et je vais tenter d'aller voir s'il n'y a pas quelque chose de louche dans cette galerie. Et voilà, et maintenant, tu es dans la galerie. Mais je suis Diana aussi? Non, tu es Kate. C'est moi, Diana. Kate, psst. Non, on reprend la rubrique de Kate. D'accord. Au-dessus. Allez, Kate. Ah moi, oui. Celle qui fait, non, celle qui commence par « Ah oui ». Ah oui, moi, Katia Panturo-Novodvojevic, grande artiste soviétique du grand fondateur Lénine. Je viens à la France ici voir galerie d'art célèbre, Au Secours. Faites-moi venir, directeur. Prost. Prost. Kate, psst. Dors. Kate, c'est moi, Diana. Oh, ça va être toi, camarade Diana Trigini, je suis une fan. Ah, c'est bon, arrête de jouer, je t'ai reconnu, pas la peine d'épater la galerie, il n'y a personne, ça ne sert à rien ce que tu fais. Personne? Dans la galerie? Effectivement, c'est vrai, ah, pardon, c'est vrai, c'est comme ça. Ah, comme ça, vrai, et pas vrai. Tu disais? J'étais venue pour voir s'il ne restait pas un peu de jus d'orange par là parce que j'en ai pas trouvé à la radio. Attention, derrière toi! Ah! Ron Bobard! Et oui, c'est moi, Ron Bobard. Je vois que l'agence me file le train et comme à chaque fois, vous essayez de vous faufiler dans mes affaires. Mais cette fois, vous êtes en échec et mat. Attention. Jamais vous ne me vous remettrez la main sur les tableaux d'Emily Weiss. Je les ai mis dans ma cachette secrète. Et attention derrière toi. Ha! Bien fait pour toi, sale vermine capitaliste. Bien joué, Karen. Ah, je savais que Ron Bobard était derrière tout ça. J'ai trouvé des choses très intéressantes aux archives de la médiathèque. À votre service, camarade Tarnivitch Chitiva. Ah, bravo les filles, j'étais sûre que vous réussiriez et que vous auriez gagné grâce à ton talent d'imitatrice, Kate. Je ne suis pas sûre qu'on aurait pu résoudre cette énigme sans toi. Ah vraiment, c'est à s'y méprendre. Bon ben, on n'a toujours pas de jus d'orange sinon là. On va encore attendre que Sophia nous le ramène. Non, moi j'attends que Karen elle me parle. Ah. Ah, qui est Karen? C'est Juliette. C'est Juliette. Mais il y avait rien sur ma feuille. Comment ça, il y a pas écrit « Et moi, Charlie ». Et moi, Charlie. Ah, et moi, Charlie. Mais je ne t'oublie pas, ma petite Karen. Tu as très très bien fait tes recherches. Merci, Charlie. Et toi, Diana, as-tu enfin pu mettre la main sur le jus d'orange? Eh ben, toujours pas, non, j'attends que Sophia nous le ramène. Ah là là, de toutes les missions, c'est bien Sophia la plus impossible. C'était pas fait pour revenir. On était des vrais aveugles avec les idées claires. Aujourd'hui, impossible d'arrêter cette chanson. D'ailleurs, est-ce vraiment une chanson? Juste l'espoir d'une évasion. D'un monde qui tourne si bien avec de l'imagination. Avant qu'on se casse d'ici, je reste pour casser des verres. Rattrapez ceux qui fuient la vie et dites-leur qu'on reste ouvert. Y'en a qui trouvent ça joli parce qu'on a le droit de dire merde. Ça revendique à moitié prix, rebelle en herbe, veut protester. Universel que l'on veut pour continuer une chanson. Faudra pas fermer les yeux pour qu'on fasse encore des prisons. Est-ce qu'on a des têtes d'affiche? On vous le demande sans décoller. Même si on s'arrache la gueule et qu'il faut s'accrocher. S'accrocher des oreilles au cœur pour que l'on puisse enfin s'entendre. Rire du pire et du meilleur et sourire qui veut bien l'entendre. Sans oublier que la guerre va faire un tabac et qu'on pourra l'enregistrer. Allez, des balles sur le comptoir pour un peu, on file une étoile. On continue le tintamarre pour un petit bout de maroilles. Allez, déballe vide ton sac, qu'on puisse le remplir d'ailleurs. De toute façon, y'a une arnaque, en tout cas, elle court la rumeur. Les chansons n'appartiennent qu'à ceux qui les laissent sans voyager. Pour qu'on puisse encore les chanter sans qu'elles aient besoin de papier. Et tout le monde pourra les entendre si nos oreilles sont accrochées. Au cœur qui batte la mesure du temps qui ne veut pas s'arrêter. D'arrêter cette chanson. Mais impossible n'est pas français. Bonsoir, monsieur dames. Bon, on peut pas s'arrêter là. Regardez, c'est joli, non ? Pause, pause. On peut pas faire une pause, là ? Danse radio guidée. Pendant que vous enfilez votre plus beau jogging et que vous connectez vos pieds au sol, à la gravité, du centre de la Terre jusqu'aux étoiles, laissez-moi vous dire que les propositions impossibles sont généralement les meilleures et les plus créatives. Aujourd'hui, je vous propose un petit solo pour emprunter des chemins de corps, le but n'étant pas de réaliser la consigne, mais de trouver de nouvelles organisations dans le corps et d'ouvrir des possibles. Et ça commence comme ça. Rapprochez votre épaule gauche de votre genou droit. Puis, sans précipitation, continuez ce que vous êtes en train de faire et bifurquez pour venir coller votre oreille droite sur votre fesse gauche. Puis votre nez sur votre pubis. Votre gros orteil gauche dans le creux du coude droit. Continuez à garder un mouvement fluide et tranquillement amenez le bout de votre langue entre vos omoplates. Votre globe oculaire droit sur votre foie. Et votre pancréas. Et vos cheveux sur vos mains. Et continuez ainsi en gardant vraiment quelque chose de très fluide dans le corps, sans à-coups, peut-être ralentissez encore un peu. Et le bout de votre nez. Et la plante de vos pieds. Et tranquillement, vous pourrez trouver une fin à cette petite danse radiophonique impossible. Les baladeuses. Émilie, oui. Je crois que tu peux te déplier là. Je peux me déplier. Ah oui, oui, oui, on te voit là. On... J'étais bien là, avec la langue sur les omoplates. Je me doutais que ça te plairait. Mon pancréas était tout à fait très ravi qu'on se soucie de lui. Oui, je trouve qu'on les oublie un peu, des fois, les organes, que quand même on a un corps avec. On est organique, il y a des organes dedans. Et... On est un peu rempli, ouais, d'organes en fait. On a un sac souvent. D'organes en fait. Ouais, il y a pas mal de viscères. Je dirais pas qu'on est des sacs à pisse, mais pas loin quand même. Hein. Si Sophia pense. Cette impossible réflexion, j'ai envie de dire, pour rester dans le thème. Alors tiens, en parlant de corps, moi j'ai une petite question pour Émilie. Attends, pardon, juste avant la question, est-ce que quelqu'un peut dire un mot sur la musique qu'on est en train d'entendre là ? Oui. Oui ? C'est Eden de Mélène Dalibert, qui est un compositeur, et on s'est dit que c'était tout à fait adapté pour la danse radio guidée. Très minimaliste. Oui. Je la laisse un peu ? Oui, pendant que vous faites un petit morceau de discussion, on peut discuter de 3 minutes, là c'est cool. Quand on était un peu hors antenne avec Emily, on discutait et on se disait que des fois c'est difficile de désapprendre quelque chose et de peut-être aussi, moi ce qui m'est venu c'est de décoloniser nos corps, nos voix. Et toi en tant que comédienne, est-ce que tu as des endroits qui ont été colonisés par des pratiques ou par du travail avec des metteurs en scène et des metteuses en scène, et que maintenant tu veux décoloniser ou déconstruire, peut-être pour le dire autrement? Ouais, je sais pas trop, parce que à partir du moment où je travaille avec des metteurs en scène différents et qu'on sert une écriture, les écritures sont toutes différentes. J'ai pas l'impression d'avoir joué un personnage par exemple pendant des années et des années, il y en a eu plein. Et ce feuilletage-là demande de toute façon à déconstruire une construction passée, ou quand tu joues deux spectacles différents dans une même journée, il y a, ouais, j'ai pas l'impression de ça. Peut-être qu'au quotidien, le fait d'avoir une pratique physique fait que j'ai un corps qui est, alors pas du tout athlétique, hein, à la radio personne ne voit, mais c'est pas le cas. Enfin. Mais il y a une forme de tenue, de disponibilité, aussi, ouais. Et puis une conscience aussi, ouais. Une conscience du déplacement, du mouvement. Tout à fait. Le fait que l'espace scénique est très circonscrit et que dans la vie, on n'a pas cette limite rassurante-là. Mais par contre, le corps a l'habitude d'évoluer dans un espace dans lequel il y a une grammaire. Et parfois, oui, ça malgré moi, je me dis, ah, tiens, la manière dont je me meus, ou il y a quelque chose qui est devenu naturel là où ça a été travaillé pour une forme d'artifice. Oui. Et on a beaucoup parlé d'Émilie comédienne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail de plasticienne ? Eh bien, vois-tu, quand tu nous invitais à faire des positions tout à fait incongrues... impossible. Peut-être pas pour certains et certaines. Il y en a peut-être qui arrivent à mettre leur langue entre les omoplates, mais j'aimerais qu'ils écrivent à Radio Duo. Mais moi, je voyais une danse à deux, en fait, du coup... Ah non, c'est un solo, Sophia. Ah, mais zut, alors, du coup, je crois que je refasse mon schéma. Moi, j'ai pu faire le cheveu dans les mains, mais à part ça... Depuis le tout début, rapprocher l'épaule gauche du genou droit. Moi, j'avais commencé à le faire derrière le micro. Après, le mouvement suivant était plus complexe. Oui. Mais toutefois, j'ai un crayon et du papier devant moi. Ça donnait beaucoup envie de dessiner aussi. Parce que si on ne peut pas le faire, on le visualise. On lui donne vie, quoi qu'il en soit. Oui. Ta voix, par nos oreilles, fait qu'on a développé un imaginaire, même si on ne l'a pas réalisé physiquement. Et le crayon... Et le papier, en tant que plasticienne, en tout cas pour moi, c'est un vrai espace libérateur avec des impossibles qui tout à coup prennent forme différemment. Est-ce que tu dirais que tout est possible sur le papier du coup ? Je dirais qu'il y a quand même pas mal de choses où on éclate des parois dans la vie qui sont difficiles à déplacer. Oui. Mais dans les dessins que je peux faire, il y a beaucoup de corps par exemple en envolé. Des corps qui sont en lévitation, des danses improbables, des corps noués, des corps... ce que tu as décrit, par exemple, ça me rappelle des dessins que j'ai pu faire aussi, où on peut aussi étirer les choses. La langue qui quitte, c'est je ne sais pas combien de centimètres ça peut faire, une langue 10, 15... Ça dépend des langues, sûrement. Ouais. Max. Puis de où on... Plus ou moins bien on sait comment on la commence, mais on ne sait pas où elle prend vraiment son origine. Mais enfin, admettons, comme ça, elle est... Au hasard, 15 cm, on peut lui faire dérouler plusieurs mètres parce que la seule limite, c'est l'espace de la feuille, en fait. Et toi, tu dessines sur des faits. Alors, est-ce que tu as des formats, peut-être aussi préférentiel, du A4, des grands formats, des petits formats ou un peu de tout? Mon format préféré, ça reste le format A4. Parce que il est pliable dans une poche, il est pratique, il est disponible. Et puis c'est du papier machine aussi qu'on peut trouver facilement. Et que j'ai fait un cycle comme ça de gribouille qui n'est pas achevé sur plus d'une décennie. Je sais pas, ça va faire 15 ans. J'ai commencé ça et c'est des dessins quotidiens sur ce que j'ai sous la main. Et le papier machine est favorablement disponible pour ça. Et puis, la gravure aussi. Alors là, par contre, techniquement, c'est moins facile à faire tous les jours dans n'importe quel contexte. Mais ouais, je travaille plutôt sur des formats qui sont petits, voire moyens. Et les grands formats, ça m'est arrivé d'avoir une commande, par exemple, pour travailler sur une écriture homérique qui était Eliade et l'Odyssée, où j'étais invitée à produire... des pièces, quels que soient les formats. Et là, j'ai pu explorer les petits, les moyens, les plus grands. Mais voilà, c'était parce qu'une main était tendue, une invitation. Là où c'était impossible, c'est devenu possible. On en revient toujours au même. Ouais, c'est ça, avec toujours ce moteur qui est le désir, le mien, mais qui ne peut exister qu'aux rencontres de l'autre aussi. Et en tant que comédien, on est aussi à cette place-là. C'est-à-dire que... si un metteur en scène ou une metteuse en scène me dit « Émilie, j'ai envie de travailler avec toi », je travaille, et sinon. Au niveau des rencontres avec le public, ouais. La fiction tout à l'heure rejoignait la réalité, parce que je crois qu'en février, t'as exposé à la galerie Au Secours. Oui, c'est ça, à Au Secours. Il y a Gabriel et Stéphane qui co-dirigent le lieu, qui ont invité plusieurs plasticiens, dont moi. Et ouais, ça s'est achevé à la fin mars. Et là, j'ai exposé en gravure des grands formats. Quand je dis grand format, c'est un mètre sur... allez, on va faire simple, un mètre sur un mètre. Et puis des tout petits formats aussi, format carte postale, gravure, dessin. C'est ça aussi qui est assez extraordinaire dans le dessin, c'est que tu peux aussi t'amuser à dilater l'espace ou à le rendre très petit. Tout, voilà. On est maître de tout, on a tous les pouvoirs, avec le crayon en main. Ouais. Et est-ce que tes gribouilles, c'est un peu comme un journal intime ? Ça peut, mais pas tout à fait non plus. Les gribouilles, elles ont, depuis très peu de temps, je puise dans un imaginaire qui est... plutôt mes rêves ou mes fantasmes ou mes projections. Mais avant ce très peu de temps, il y avait surtout pour moi des livres à portée de main, ouvrir un livre au hasard, choisir un passage, et ce passage-là amenait le geste dessiné. Donc de fait, comme une comédienne se met au service d'un texte, la plasticienne aussi se mettait au service d'un texte. Et ça me donnait des autorisations pour explorer des techniques. Et puis, considérer un peu comme un éternel brouillon, comme un éternel commencement. Et tu as aussi participé à un feuilleton, je crois, radiophonique. Tout à fait. Et oui. Parce que c'est l'heure du feuilleton radiophonique. L'heure du feuilleton radiophonique. Ah là là là là. Et en fait, on a un personnage du feuilleton avec nous. Enfin, en tout cas... qui était incroyable. Joué par Émilie, c'est génial. Merci beaucoup, merci. Merci de m'avoir proposé aussi d'intégrer cette fiction. Ouais. C'est réjouissant de servir la langue de Juliette, et puis aussi de rencontrer les autres comédiens et comédiennes, certains que je connaissais, d'autres dont j'ai fait la rencontre, et c'est ça aussi la belle aventure artistique. Ouais. Et là, on arrive au troisième épisode déjà. Alors de quoi ? De La Petite Bande, où je n'en ai pas fini avec la folie. Alors un projet un peu impossible, surtout quand je suis encore la tête complètement dedans, et finalement qu'il devient un peu moins, un peu plus possible au fur et à mesure du temps. Et pour dire qui participe à cette aventure, on a à la musique Benoît Cancoin, à la prise de son, aux effets sonores et au mixage, Jean-François Mingard. Et au niveau des comédiens et comédiennes, on a Maud Thérillon dans le rôle de Rosette et ses voix, Émilie avec nous, Émilie Weiss qui fait Maddy, la mère de Rosette, Alain Besset du Choc Théâtre qui fait le père de Rosette, JP, Béatrice Moulin, juste en dessous à l'estanco, qui fait Jacqueline, sa grand-mère, Philippe Grenier, son grand-père, Maurice. Et on a également Sophia, qui nous fait le docteur Hopman, en tout cas dans cet épisode 3, parce qu'elle a plusieurs hauts rôles, elle. Et on va entendre, donc la petite bande raconte l'histoire de Rosette qui a des voix dans sa tête et qui essaye de faire avec, et c'est pas toujours facile. Après nous avoir parlé des funérailles de sa mère, Maddie, qu'on a dans le studio aujourd'hui, mais vous savez qu'on fait parler les morts ici à Radio Dieu. Rien n'est impossible. Avec les baladeuses. Et là, dans cet épisode, elle va voir ses grands-parents et c'est une des premières visites et une des dernières visites. Ça me semble tellement à des années-lumière, ces années collège. La petite bande, où je n'en ai pas fini avec la folie. Ça m'émeut de te relire ça. Épisode 3. Et pourtant, je me sens proche de la Rosette que j'étais à 11 ans. Cette période était vraiment dure. Il me fallait composer sans cesse avec la petite bande et la vraie vie. Entre l'entrée au collège et les engueulades des parents, j'avais parfois l'impression que j'allais exploser. Un soir, Maddy m'a pris sur le fait à argumenter avec la petite bande. Elle est rentrée d'un coup en pensant qu'il y avait bel et bien des personnes dans ma chambre. Direction Dr Hopman in extremis. Je ferme les yeux. Je ne dis rien cette fois. 18 ans de cahier, tu as l'embarras du choix. Celui-là ? Dur de le parcourir à nouveau. Mais il le faut. C'est ce qu'a dit le docteur Hopman. Confronte-toi. Confronte-toi, il a dit. Je ne savais pas bien ce qu'il voulait dire à l'époque. Pour lui, tes voix sont une, mes voix sont une échappatoire que mon esprit a créée. Plutôt que de faire face à ce qui me dérangeait, ton cerveau mon cerveau préférait inventer quelque chose qui m'en déviait. On voit bien que ce n'est pas lui qui est à ma place. Franchement, je préférerais me confronter. Mais à quoi ? Là est bel et bien la question. Pimprenelle avait surgi quelques semaines avant qu'on aille chez les grands-parents. Les parents de ma mère, Jacqueline et Maurice. Ils avaient beau habiter pas loin, on n'y allait pas souvent. D'ailleurs, ma mère disait toujours « mes parents » et jamais « papy, mamie ». Un jour, l'existence de Pimprenelle seulement dans ma tête n'a pas suffi. J'ai commencé par demander qu'on mette un couvert en plus. Je la consultais toujours avant de répondre quoi que ce soit aux adultes. Ça a commencé à faire louche. Ma mère venait de faire une fausse couche. Mes parents se disaient que c'était ma manière de faire mon deuil de ce petit frère ou petite sœur, alors que pour moi, en fait, c'était plutôt bon débarras. J'avais 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Ma mère pensait que ça disparaîtrait en grandissant. Eh bien non. Madeleine, c'est toi ? Mettez les chaussons surtout, j'ai fait cirer hier. Oh, mais la petite est là. C'est moi, la petite. Déjà, ça commence bien. Venez, venez, j'ai préparé un goûter. On ne va pas rester. Mais enfin, Madeleine, on ne va pas se contenter de signer les papiers. On peut prendre un moment ensemble, non ? Voilà, voilà, signe, signe. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a grandi ? Approche, approche-moi, c'est Mamie Jacqueline, tu me reconnais ? Oh, mais comme elle est mignonne. Elle fait oui avec sa petite tête. Ce n'est pas une poupée non plus. Maurice n'est pas là ? Maurice, non. Papa n'est pas là, mais il va bientôt arriver. Et JP, il n'est pas avec vous ? Non. Il a bien su se carapater à temps, le paternel. Tu veux boire un jus de fruits, ma petite Rosette ? Oui. Et Pimprenelle aussi, elle en veut bien. Mais c'est qui ça, Pimprenelle ? Vous attendez quelqu'un ? Pimprenelle, c'est l'amie de Rosette. Une amie imaginaire, en quelque sorte. Imaginaire pour les autres, oui. Ce n'est pas parce que vous ne l'entendez pas qu'elle n'existe pas. Oh, comme c'est mignon. Mais bien sûr, on va servir un verre à Pimprenelle. Voilà. Ça lui a pris il y a longtemps. Ça me rappelle quand tu étais petite. Toi aussi, tu avais une amie imaginaire. Comment elle s'appelait déjà ? Non, je n'ai jamais eu d'amie imaginaire. Tu confonds avec ma sœur. Tu confonds avec Léo. Ah oui, c'était Éléonore qui en avait une. Toi, tu n'avais pas assez d'imagination. Je n'arrive pas à me rappeler son prénom. Mais c'est qu'elle lui parle. Oui, c'est très présent. Tu as pensé à aller voir quelqu'un ? Cela peut être handicapant à force. En plus, elle va rentrer à l'école primaire. Je peux te recommander quelqu'un. Il est rebouteux et radiesthésiste. Cela pourrait aider, déjà que... Déjà que quoi ? Rosette est un peu particulière, conviens-en. C'est une enfant très vive. Alors ça, si c'est particulier... Oui, oui, je ne dis pas. Mais elle a toujours eu des réactions peu communes. Depuis toute petite, par exemple, elle n'a jamais voulu m'embrasser. Je ne comprends pas. Toutes les petites filles embrassent leur grand-mère, toutes, sauf Rosette. Eh oui, c'est comme ça. J'embrasse pas. En plus, tu piques. Elle doit sentir quelque chose. Qu'elle a une mère qui est un monstre d'ingratitude, c'est ça ? Qu'elle a une mère qui a dû se protéger de sa propre mère pour exister. Toujours la même rengaine. Mais qu'est-ce qu'elle fait, là ? Ce qu'il ne faut pas faire pour épater la galerie. Elle joue. Ah, si tu appelles ça un jeu... Ah, voilà Maurice ! Bonjour ! Ah, il y avait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, toi. On voit plus ta sœur, qui a déjà signé les papiers d'ailleurs. Je vois que tu ne perds pas le nord. Oh, mais il y a Rosette ! Bonjour, Rosette ! Eh bien, Rosette, dis bonjour. Bonjour. Oh, tu as poussé, dis donc. Tu vas à la grande école, alors ? C'est prévu en septembre, comme d'habitude. Elle n'a pas de langue, cette petite ? Mais ça ne se fait pas, mais c'est dégoûtant ! Mais tu viens de lui dire qu'elle n'avait pas de langue, elle te la montre. Oh, bah, si je m'attendais à ça. Les enfants, alors, il faut faire bien attention à ce qu'on dit. Oui, t'as intérêt, mon vieux. Oui, parce que les enfants enregistrent tout. On croit qu'ils ne comprennent pas, mais ils comprennent tout. On croit qu'ils n'entendent rien, mais ils entendent tout. Mais... Qu'est-ce que tu lui dis ? Je n'ai rien compris. Qu'est-ce que tu fais ? Jamais de la vie. Elle n'ira nulle part. Tu n'as pas honte ? À ta propre petite fille ? Mais enfin, je lui demandais si elle voulait manger une glace. Ah non. Il ne m'a jamais demandé ça. Je ne te fais plus confiance. Et toi, tu ne dis rien ? Bien sûr, comme d'habitude. Tu vas rester les bras ballants. Ah, mon mari, jamais rien à dire, jamais personne à protéger, si ce n'est ta petite personne et son confort. Rosette, on part. Tout de suite. Maddy m'a traîné hors de la pièce, juste eu le temps d'attraper mon petit sac à dos. Celui avec les fleurs. J'ai reconstitué ce dialogue des années après. Je me le suis passé et repassé en esprit. C'était une des dernières fois que je voyais mes grands-parents. Maman a pesté tout le trajet. J'essayais de la réconforter avec les blagues de Pimprenelle. Déjà que le trajet pour venir avait été compliqué, je ne parle même pas du trajet pour partir. On est allé chez les parents de maman avec Pimprenelle. C'est la première fois qu'elle y allait. On peut jouer dans le couloir à glisser en chaussettes. Ça glisse vraiment bien chez Mamie Jacqueline. Je dis « Mamie Jacqueline », mais je n'ai pas le droit de l'appeler comme ça. Elle parle trop fort et elle me donne des bonbons à la violette que je garde dans la bouche jusqu'à ce que je puisse les cracher dans les WC. Papy Maurice veut toujours que j'aille dans le grenier, mais je ne veux pas parce qu'il fait peur. Le grenier et Papy Maurice. Papa a quitté la voiture à un feu rouge et maman a continué de rouler. Ils ne voulaient pas aller chez eux. Maman non plus, mais elle y est allée quand même parce qu'elle est obligée. Quand je serai grande, j'espère que j'aurai envie d'aller chez mes parents, même si je suis obligée. Cher journal, je n'ai plus rien d'autre à t'écrire. Même obligé, j'aimais bien aller chez Maddy et chez JP. Même quand ils ne vivaient plus ensemble, ça en aura pris du temps avant qu'ils ne se séparent. Plus d'une dizaine d'années. Ça marchait par crise. Entre deux crises, on avait enfin du calme. Pas très étonnant que leur relation conjugale ait été compliquée. Il faut dire qu'ils n'avaient pas eu de modèle vraiment concluant avec leurs parents respectifs. L'agenda des baladeuses. Bon, alors on avait dit attends, parce que jeudi, moi, je peux pas. Non, vendredi. Mercredi, moi, c'est vendredi. Non, mais pas le matin. Oui, 13h, ça va, mais pas avant 8h. Pas le week-end. Je sais pas, on va voir. Bah, le théâtre aussi. Il y avait un théâtre. Il n'y avait pas une danse à voir. Et sinon, lundi soir, vous faites quoi? L'agenda, comme vous avez compris. Alors, au Choc Théâtre, on aura Christopher Murray ce week-end 24 et 25 avril. Le titre du spectacle s'appelle « Trois guitares, trois albums et peut-être un piano ». Au Verso, pareil, dans les mêmes dates, enfin depuis ce soir jusqu'au 26, avec le collectif « Ici même, les recettes de l'amour ». Et très bientôt, le 28 avril à 19h, au bar de l'Aube, il y aura une séance d'arpentage. Alors, autour du livre de Max Liboiron, qui est historien et spécialiste de la pollution des plastiques. Le livre s'appelle « Polluer, c'est coloniser ». Et l'arpentage consiste à prendre un livre à plusieurs, de s'en lire des bouts et de mettre en commun ce qu'on a compris ou ce qu'on a moins compris. En tout cas, de partager sa compréhension. Mais voilà, et bien je crois qu'on arrive au terme de cette émission. Du coup, on va se dire au revoir. Et peut-être laisser le mot de la fin à Émilie. Mais oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Pardon, Sophia. Non, mais t'as raison. C'est, je suis rancunière des jus d'orange, en fait. Ouais. Je vais aller les chercher. Peux aller les chercher. Ouais, t'inquiète, j'y vais tout de suite. Alors, pour le mot de la fin, peut-être je vais passer la main des auteurs, puisque avant d'arriver au studio, j'ai eu un petit peu peur. Alors, j'ai fait une petite recherche avec le mot « impossible ». Et il y a ce proverbe latin qui est « à l'impossible, nul n'est tenu ». Ce à quoi Cocteau répond « à l'impossible, je suis tenu ». Jules Romain... surenchérit en disant « On a beau dire qu'à l'impossible, nul n'est tenu, encore faut-il être convaincu que la chose est vraiment impossible. » Victor Hugo, lui, dit « Rien n'est plus imminent que l'impossible. » Et René Char dit « L'impossible, nous ne l'atteignons pas, mais il nous sert de lanterne. En tout cas, merci Émilie, merci Julie, merci Juliette. Oui, juste une petite chose, on retrouvera toutes les références des livres dont on a lu des extraits ou qui ont été diffusés en répétition musicale. Je pense à L'Ismène de Yanis Ritsos et puis évidemment Paul Celan, Fugue de mort, ainsi que l'extrait qu'a lu Julie et d'autre part les épisodes de La Petite Bande. Vous pouvez les retrouver sur mon site Des Nouvelles des Vivants, jimdaufry.com, mais tout cela est bien sûr sur le podcast, sur le site, la page du podcast, je veux dire, qui viendra très très bientôt. Voilà, vous pourrez avoir toutes les informations, et quand vous podcastez, il y a dans la description des liens, etc., et tout ce qu'il faut pour retrouver et les musiques qu'on a passées, et les relire les livres dont on vous a lu les extraits. Est-ce qu'on tease le thème de la prochaine émission ? Ah, alors ça, est-ce que c'est possible ? Après, je crois que impossible. Non, c'est impossible. Je crois que Juliette, non, elle ne veut pas. Impossible. C'est impossible. Impossible. Le truc, c'est que si on dit tout, après, on ne peut pas changer. Oui, c'est ça. Et ça nous restera impossible. Voilà. Le quatrième mercredi du mois de mai sur Radio Dio, oui, pour écouter. Ce sera le 27 mai. Voilà. Exactement. La prochaine fois. Allez, je crois que le train arrive. Allez, ciao à Allez, tous. Allez, c'est parti. Ciao. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Attention, attention. Nous arrivons en gare des Baladeuses de 10h à 11h30. Le quatrième mercredi du mois sur Radio Dio 89.5. Veuillez prendre garde de ne rien avoir oublié dans le train avant de descendre. Prenez garde à la marche en descendant.